Mon frère, je suis du père. J'ai grandi sans les repères de mon père. Moi-même, je suis devenu père. Donc, j'ai pas envie de faire du ferme. Je suis toujours là, délové. Moi et les lovés, on fait toujours la paire. C'est dans le bloc qu'on opère. Y'a plus le temps pour faire la trêve. On sait pas ce qu'on peut faire demain. Peut-être que je pourrais me refaire sur une biche. J'ai fait des erreurs, mais je reste debout. Je porte pas la mulette du marabout. J'ai souvent vécu la misère. À deux sur la bécane, j'ai souvent vécu la misère. Sac à main dans le viseur. Le temps c'est de l'argent, et les temps ont changé. J'ai remplacé mes loquines, puis crafté, j'ai songé. La maman, les potos, le business, ma petite fille. Le passé qui me hante, le futur qui me fuit. Bibi la cesse, donc je me suis mis à bibi la cesse. Je n'ai pas vu le temps passer quand j'étais assis sur la chaise. J'ai vu des toxicos devenir des mamans et aujourd'hui ça me fait de la peine. J'ai pris des sonnantes pour nous faire la malade, ce qui a causé ma peur. C'est toi qui mènes le jeu, mais c'est toujours nous qui tenons les commandes.